l'échelle du ciel. La fuite vient son seul chemin. Mais même dans cette nuit froide, tu refuses d'abandonner ton dessein. Une échelle s'élève dans le songe. Le ciel s'ouvre sur la terre. Les anges montent et descendent comme un pont vivant du mystère. Même dans l'exil et la fuite, tu dresses encore ta maison. Tu es avec moi sur la route, même quand je fuis sous la peur. Tu dresses une porte du ciel sur les pierres de mes erreurs. Tu es avec moi sur la route et ton nom devient mon appui. Dans la nuit, tu ouvres une promesse que je n'avais pas choisie. Redis l'alliance à un homme en fuite. Tu promets la terre et la descendance. Et Jacob se réveille tremblant devant la sainteté de ta présence. Il dresse la pierre comme un autel. Il nomme ce lieu Bethel. Et il promet de te suivre si tu le conduis loin du ciel cruel. Tu es avec moi sur la route, même quand je fuis sous la peur. Tu dresses une porte du ciel sur les pierres de mes erreurs. Tu es avec moi sur la route. Devient un lieu de rencontre.